cassage de nuque. Je vis l'être comme Zanik. Quand je rentre, les mains en panique. Je suis d'humeur volcanique. J'ai ma sacoche, quand tu t'approches, reste avec les mêmes dettes que l'époque où j'avais rien dans la poche. Car la pêche, ça s'accroche sur les taches cranches. Si il faut, je décroche la lune pour un de mes proches. Ils ont trop la rage parce que Dieu le vit encore dans les parages. Je peux les faire à poche. Le police est fâche. Obligé, je le flèche. Me dit que je suis pressé. Faut que sorte ma famille de la dèche. Me demande où je sèche. Mais ils le savent déjà, c'est pas faire. Je connais votre tête. Vous avez mis beaucoup de mes frères au placard. Je tiens la barre, ton rap est vert dans le rap en ta tête ou en virque. À chaque fois, je suis obligé de le remettre d'accord. C'est quoi ce cirque? Pas de focus, de boss, m'occupe, marche en équipe. Et si j'entends qu'on m'en veut, désolé, mais moi je m'équipe. Moi j'ai toujours porté mes couilles, je vois une daronne porter les courses. Je rappelle, je rate les cours, et je me suis mêlé pour toi. Je te mêle mes élèves pour toi, tu calcules plus mes cours, toi. Mais ça raconte que toi, tout le monde se porte lourd, toi. Tu me reconnais, tu le cabais pas, tu critiquais. Et maintenant tu viens, tu grabes la crédibilité en toute tranquillité. Je vois ces petits caves limités, je sais plus qui est qui, ils font les bizarres, je traîne un petit comité. Envoie le mandat au mitard, arrête de faire le moniteur. Et si le point va, j'y pars, c'est créer un trop bizarre. Et Smilix, certes, c'est nécessaire, ça s'accoulera dans l'ascenseur. Je vis pas ton son, il serait plus heureux qu'il est petit en sort. Tout ce qu'elle a la frangine, fait la belle et l'étagine. Lui et les jeunes et tout, j'en voudrais qu'il est passé à la machine. Dix c'est original, I'm a criminal. Chaque mesure une balle, de moi il sortit l'animal. Vas-y, mollo sur le shit que tu n'as. Y'a ton bouton au tribunal, j'ai fumé un gros bête en IA. J'avais pas un, j'étais même pas smicard. Mais tranquille, survivais comme smoker. Tu fais le fou, tu vas boire un coca. J'fume trop de bœufs, j'en ai des pointes au cœur. J'nique tout, c'est maintenant, ouais. Faut qui l'admette, la team Joule, elle s'étend. Eux ils disent, c'est quand qu'ils s'éteignent. Un pote, une pute, y'a qu'une lettre qui change. J't'ai fait matraquer, soit disant c'est Jacques qui chante. Chez moi y'a des gens qui vont, chez toi y'a des gens qui chantent. Faites les grands, après c'est les parents qui chalent. J'fais des sons, j'fais des sons, mais j'reste au checkpoint. Petite presse, ça sale béguin, dans le turbo, injection le sang. J'suis vrai, ils le savent, j'leur donne une leçon. J'vais dire, ils le sentent, j'ai plus d'émotion, mais j'ai mes notions. Et bien sûr que j'vais taper le mec quand je dis innocent. Ils veulent approcher leur niveau, voir une autre dimension, sont plein de mensonges. À partir de tonton Maurice, mojito bonito. Quand on boit flou, on veut brancher les Russes. Ma zone à risque, elle est couteau. Quand tu traites, quand tu poutons, on se contemple plus à dire qu'au fond, on se ressemblait comme des couteaux. J'évite les craques. Quand je peux, je vends en cross. Et cette garde, elle croit qu'elle va tirer deux sous mon pète. Elle a la bouche pleine de glauque. Dans la classe, c'est derrière. En moitié de la casse. Dis ton matérialiste, j'ai pas attendu d'avoir ma Mercedes pour avoir de la classe. Allez, fais de la place, on met en place. À la place, faut que la police traîne au siècle. Le pote dans la chaussette, elle chute et le classe. Elle parle de moi, mais je l'aide. Il m'envie des schlags. Ça s'énerve, ça divague. Elle prend pas des vagues, c'est une blague. J'suis dans mon coin, je vais tirer les dents, je crois que le jour se lève, les volets, je croise. Oula, oula, mais dis-moi, tu vas, oula, ton shit me nique les yeux, c'est du imitation, moula. Poule, poule, braquage, voilà là, roule dans le game, je suis là. Tourne comme l'outil en mode full option, évite les mecs, vas, ils ont grevé, laisse, vas, elle tout tombe, laisse la fesse, et je te tourne, ils nous blessent, vas, ils veulent la guerre, je reste vite. Je prends pas faute d'espèce, espèce de pute, à force, tu fais les gens, ce moment, t'es de l'herpès. Les heures passent, les frères poussent, les frères bossent, font leur vis. Lui, il croyait que j'étais un dieu, mais excuse-moi, tape de leur vis. Une boy gentille et entier, on peut être un bonhomme sans tirer. N'écoute pas tous ces fils, on peut fumer nos choix et s'en tirer. Le patron veut la recette, il est parano, c'est sûr, c'est le jobber, pas la chaussette, c'est car il boit sa mara, sec. Moi, je reste simple, simple. Ils ont le sem-sem. Chez moi, ça rend fou les commerces, voilà pourquoi Philippe se plaint, plein. J'évite les pimpons, tu cavales, fais le pimpin. Tu te caches et ces chiens te retrouvent, tu m'en pas de Milou et Tintin. Oh, Tintin, faut le faux avec moi, je te fais faire dindon. Putain, tant, avec nos ennemis, tu baisses les dindons. Oh, caraya, oh, caraya. Marseille, c'est plus pareil. Demande à mon tchèque, c'est pas un Uber, te prends à faire la balade. De la puce en paraît, seul et seul. Plus de pêche, par à la salle. Julie l'a changé, Julie l'a déménagé. Des gens parlent de moi quand je suis pas là. Je vous nique, je vais pas vous manger. Hein? Du tout, c'est danger. 1, 3, 5, 5. On veut la recette, 7. Freestyle cassage de nuque 2. Je parle les mineurs, bon enculé. J'ai du joule, ça arrive fort. 1-3-0-0-5 matriculé. Bon enculé.